eres tú, no eres tú, soy yo. Yo te quiero hacer sufrir. Eles são roqueiros paulistas, estão fazendo sucesso na Alemanha, Inglaterra e Itália. Ratos de Porão. Caramba! Encore raté. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Memento Mori spécial Amérique latine. Ça, ouais, parce que ça, on donne pas tant d'indices que ça dans le générique finalement. Ouais, ça reste assez clair quand même, je trouve. Moi, je savais pas vraiment où j'allais ce soir. Je disais, allez, on verra bien. On sur quel bien territoire serons-nous, mais ouais, c'est ça. Le territoire de l'humour gras et sans complexe. Hein. C'est oui, ça, ouais. Parce que là, je pense qu'on va enchaîner des stéréotypes qui. Mais non, on va passer des bons trucs après. Oui. <Peut-être. rire> On verra. Déjà, le premier qui était annoncé, on ne l'a pas trouvé sur la clé, donc ça... Oui, bah écoute, on va le trouver. Tu nous mets tous dedans, mais nous, ça va. Hein. Non, mais je ne comprends pas. On va trouver une solution. D'accord, et ben allons-y pour la solution. Moi, de mon côté, vu que bon, l'Amérique du Sud, ce que je reconnais le plus, c'est quand même Crapulet Records, le label marseillais, qui est un peu le parrain, en fait, de tout ce qui se passe en Amérique du Sud, en France. Oui, actuellement, en tout cas, il a le monopole. Il y a c'est pas ça. De il y avait une main mystérieuse. Il y avait Kawati Record aussi à un moment qui faisait pas mal de trucs dans le style, mais il y a Crapulet. Ouais, mais il y a une petite. Une expédition punitive marseillaise qui a réglé le problème et du coup, maintenant, totalement. Il a l'exclusivité terrible. Voilà, du coup, ce label marseillais qui a sorti plein de choses de groupes sud-américains. Et du coup, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que j'y connais rien en groupe d'Amérique latine, je vais prendre toute la liste de ce qu'il y a dedans. C'est et ça vrai va que t'as cette liste a été préparée en une semaine, alors que d'habitude, t'es pas forcément le premier. Ah bah, j'ai déroulé la page terrible et je fais oui, non, hop là, merci, ouais. Bonsoir, bonne émission. Parce que sur Bandcamp, là, tu peux tout télécharger sur ton truc, hein, donc c'est facile, quoi. Extrêmement facile. Mais en fait, il faut choisir les territoires par rapport au label, ça, quoi. Ouais. Là où le label facile, quoi. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal de groupes qui ont fait des coprods avec pas mal de groupes, enfin pas de groupes de labels européens. Ouais. Bah bon. Bref, on va commencer par Tropezio, qui est un groupe de Puerto Rico. Alors si vous voulez, j'ai copié-collé le Wikipédia de Puerto Rico. Tu peux y aller, on est non, passé. Parce que j'avais un doute, parce qu'en fait j'ai quand même pas mal révisé ma géographie avec cette émission aussi, en plus d'apprendre des nouveaux noms de groupes. Voilà, c'est une île qui se situe dans les Grandes Antilles, voilà. Ouais, t'as eu besoin de prendre tes notes quand même. Oui, parce que je voulais dire l'océan, mais j'ai eu un grand doute, je voulais pas dire de conneries. Au bord de la Méditerranée. Non, mais parce qu'il y a l'océan Atlantique et il y a la mer des Caraïbes. Voilà, figure-toi. Hein ouais. Hey. On aurait c'est dû bien. Prendre le petit map là. Oui, c'est ça, ouais, on est. C'est ça. Et puis on aurait dû s'appeler le dessous des crustes. Ça aurait pu être super. Memento Mori est une émission culturelle. Oui, c'est bien connu. Hein. On est reconnu pour ça. Voilà, donc qui est un groupe de Puerto Rico. Ça fait 20 ans que ça dure. J'ai reçu la discographie vinyle justement. J'ai fait un échange avec Crapulet. J'ai reçu discographie voilà en vinyle. C'est pas mal. Ouais, bon gros punk hardcore, bien bourrose comme il faut. Voilà, c'est très très cool. Todos vamos por el mundo escupiendo suástica. Ah ouais, à un instant, j'étais trop pésio et j'ai la bouche pleine de guacamole parce que c'est une émission spéciale Amérique du Sud. Plus de nourriture que de musique, je pense. Oui, c'est à peu près les habitudes, mais là, c'est, quand même, c'est encore pas trop mal. Hein. Ouais, là, on a j'ai encore regretté d'avoir mangé mes pâtes au gorgonzola. Hein. On a fait grave. Fort. Hein. Comme à chaque fois. Ouais, mais c'est ouais. Bien, on est... Donc les sonorités risquent d'être similaires durant toute l'émission. Parce que c'est vrai que les groupes d'Amérique du Sud chantent beaucoup en espagnol ou portugais. Bah oui, forcément. Ouais, mais bon, il y a quand même plein de groupes d'autres endroits quand même qui chantent, qui prennent l'anglais quand même systématiquement. Ouais, j'ai notamment un groupe mexicain qui chante en anglais. Et j'étais surpris. Ça existe, mais la plupart du temps. Et du coup, ça te touche quand même une note quand même à Spunk, quand même, qui fait quand même exotique pour nous, quoi. Tout à fait. On va enchaîner avec un peu de grindcore avec le groupe. Surprenant. Surprenant. Il y a Mounet qui est tombé de sa chaise. Du grindcore brésilien avec le groupe DER. Il me semble que j'en avais déjà passé quand je faisais mes tout débuts dans cette émission. Et c'est vraiment un groupe que j'adore, qui est vraiment super cool. Et donc là, on va écouter un petit groupe de 2-3 morceaux issus de leur dernier EP qui s'appelle Rancor. Donc voilà, DER, un groupe brésilien. Et juste après, on enchaîne avec Disputa, qui nous viennent du Chili, et qui jouent du Power Violence, si je dis pas de bêtises. Ce serait surprenant encore. Donc, avec le morceau Septiembre Negro de l'album Antologia de la Violenza. Voilà, Disputa, et juste avant, DER. We'll be right back. Ah bah voilà, c'était un bloc. Un bloc, voilà. Et là, donc, c'était un morceau entier qu'on vient d'entendre. Tout à fait. C'était Disputa, groupe de Power Violent. Ça a duré 14 secondes quand même. Bon, moins. 1 minute 40. Mais est-ce qu'il y a... Non, il y en a un seul morceau, je crois, il me semble. Et enfin voilà, c'était Disputa, ça vient du Chili. Et juste avant, c'était les excellents. Gros pressant, ça, du coup, Disputa. Alors, et en fait, j'ai... Désolé, non, je vais pas te mettre de colle. Hein. tu me rembobines. Il se trouve que j'ai pas du tout préparé mais mon truc. J'ai juste les noms et la durée, c'est tout ce que j'ai. C'est donc, pas si mal. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, groupe que je ne connaissais pas et que, en faisant mes petites recherches pour l'émission, que j'ai découvert et que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et avant, c'était DER que je connais depuis longtemps et qui sont toujours ultra cool au fil de leurs albums et de leur EP. Ça joue toujours, je pense. Ouais, parce qu'ils ont sorti un truc genre, enfin 2017. Ouais. Mmh. Voilà. Donc. Cool. Ouais. Ok. Bon, ben, on va rester. On reste sur le continent, forcément. Bah voilà, on était dans le Brésil tout à l'heure, mais je remets un petit. Donc, on va s'écouter le groupe punk rock Cholera. Donc, c'est un groupe relativement mythique pour les punks brésiliens. Ils ont commencé en 85. Alors, premier EP, c'était un split avec Ratos de Porrao. Ce qui est un bon départ, quand même, pour se faire connaître et pour entamer. Sa petite carrière. Donc le titre c'est Porque Helenao sur l'album Chaos Mental Gérald, sorti en 98. Une petite chanson qui parle du sexisme et qui lutte contre. Voilà, c'est un petit punk rock bien frais, enfin j'aime bien quoi. Et juste après ça, on va s'écouter Différente. Ou Différente. Je sais pas, j'imagine. Mais non, il n'y a pas de E, justement, c'est Différente. Je sais pas, je crois que je vais vraiment pas être fort en accent ce soir. Qui est un groupe de punk rock aussi de Buenos Aires, en Argentine. En Argentine, qui est. Voilà. Qui est à l'ouest. Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Tout en bas, le but. À gauche. Allongé, quoi. À gauche, quand tu regardes une carte centrée sur l'Europe. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Oui, bah à un moment, on a chacun sa référence. C'est ça. Et comment dire, ouais, du coup, ça, le morceau s'appelle Don't Be a Champ. Ne sois pas un champion, genre. Et ça chante en anglais, du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Et voilà, les paroles sont assez cool, tu sais, c'est un peu le... Voilà, histoire de dire que le connard un peu viril qui fait le super malin et tout, c'est chiant. Ouais, mais c'est pas mal influencé par la scène un peu américaine, ça, je pense, plus hardcore mellow un peu. Ouais, après, c'est comme plutôt punk rock, tu verras. Oui, non, je connais, différentes, j'aime bien. Ah, bon. En fait, on va faire. Un poulet, je connais en fait ces trucs-là. On va faire, ouais, non, mais c'est ça. Parce que moi, je suis un connard qui débarque en disant oui, bon, voilà. Moi, j'ai découvert absolument tous les groupes que j'ai écoutés là. Ouais. Et, à part, j'en ai vu passer deux dont je connaissais le nom et je me suis dit, oh, Mounet va les mettre, du coup, j'y touche pas. Et sinon, tout le reste, j'ai découvert. Alors qu'en fait, il y a des gens qui savaient déjà. Mais voilà, c'est pas grave. C'est le principe. L'important, c'est de découvrir. Tout à fait. C'est de participer. Alors, pour quelle année? Quelle beauté que ce Larsen. C'est ça, il y a un petit regard malicieux en face, là, à la régie. À l'instant, c'était différent. Voilà, et juste avant, choléra. Voilà, vous êtes toujours dans Memento Mori, sur Radio Gamozo. Ouais, les 107 FM. Voilà, émission spéciale Amérique du Sud, et globalement, pas mal de Crapoulet Records, le label des mecs cool. Déjà, rien que pour ça, moi, ce nom de label, ça me fait toujours rêver. La petite pub. Là, ça, t'ajoutes un petit peu que là-dessus, c'est flyers de promo, c'est des petits animaux mignons. Ça, c'est, ouais. Ça me fait tellement rêver, c'est trop cool. Oui, ils sont jolis, tu sais pas trop où il veut en venir, mais... Alors, figure-toi que dans ses interviews, il dit que lui, il aime bien, déjà, les animaux mignons. Et puis, il disait qu'au-delà de ça, ça s'éloignait un peu, genre les mecs pleins de muscles. Mmh. Oui, c'est pas, ça change de ce côté de l'imagerie que t'as l'habitude. Ah, ça faisait un tri naturel sur la population qui vient sur le label, quoi. Ah, c'est pas mal. Mmh. Puis ça le fait ressortir. C'est bien. Okay, en parlant de trucs qui ressortent, on va changer un petit peu de style. On va mettre un petit peu de grindcore ? Non, pas du tout. On reste au Brésil, mais on va mettre un peu de rap avec Diomedes Chinaski, qui est un groupe de hip-hop. Et qui était parmi les premiers à faire des chansons contre Bolsonaro, en fait. Et déjà, avant même qu'il soit élu, quand il était en campagne, il avait fait une chanson assez violente avec des textes sans équivoque, enfin en tout cas pour ceux qui comprennent le portugais. Et on va donc écouter ce morceau-là complètement anti-Bolsonaro qui s'appelle Descanse em Paz. Voilà, Diomedes Chinaski. Mas não são de outra coisa senão revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski, vai salva o Brasil. Concentre em calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso perverso é como uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski, vai salva o Brasil. Concentre em calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso perverso é como uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. Não precisamos de mais retrógrados, chega de armas, queremos livros. Nós não queremos riqueza em sarcófagos, sem liberdade não estamos vivos. Vi a pobreza de perto é o inferno, senti a dor que nos leva pro crime. Não é um playboy militar que vai opinar ou julgar sobre o que nos define. Não tem cabimento, não seja um jumento, até um cachorro entende essa equação. As mazelas da alma, os traumas e a dor, se cura com amor, saúde e educação. Você não é sociólogo, nem antropólogo, psicólogo e nem pedagogo, senhor candidato. É menino mimado, soldado frustrado, grande demagogo. Eu não sou petista, eu sou bolchevique. Fascistas amarram e depois toco fogo. Eu sou pró-vida, mas sou contra a vida dos filhos da puta que mata meu povo. Isso é pela alma de todos os moleques que estão nessa porra sem ver uma saída. E cada voto que eu tirar do verme vai ser como se eu salvasse alguma vida. Livres pensadores assustam, conservadores só conservam dores. Vocês têm medo das mudanças, malditos escravos de antigos valores. Então não me falem de Jesus. Assim como ele, eu entrego meu corpo. Se Cristo ainda tivesse vivo, ele me ajudava a matar esse porco. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski, vai salva o Brasil. Concentre em calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso perverso é como uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski, vai salva o Brasil. Concentre em calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso perverso é como uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. É triste explicar o óbvio, pra que vocês compreendam o processo. Vosso candidato é mentira e ódio, tipo a porra do racismo reverso. É triste explicar o óbvio, deixa que eu faça a tal tradução. Vão colocar Maria na miséria, seu João na cadeia e José no caixão. Chinaski é porrada, facada, só que enferrujada no bucho da maldita mídia. Já matei o Jeppes com tanta pancada, agora vou pra história como antagonista. esses malditos medievais pensamentos que deixam sem voz vários dos movimentos e abrem caminho pra uma estrada fascista de coronéis burros e violentos. Eu vou te jogar no oceano pra ver se tu entende o refugiado africano. Já aí cê sabe nadar? Palavras são águas, eu tô te afogando. Verdades são águas, eu tenho oceano. Seu candidato não tem uma poça. Seu candidato não lava uma louça. Parece que um senhor de engenho que estuprava as moças. Livres pensadores assustam. Conservadores só conservam dores. Vocês têm medo das mudanças. Malditos escravos de antigos valores. Então não me falem de Jesus. Assim como ele, eu entrego meu corpo. Se Cristo ainda tivesse vivo, ele me ajudava a matar esse povo. Chinaski, salva o Brasil. Vai do Chinaski, vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara. Tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso perverso é como uma rajada. Que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada. Achupe seu mito, canalha caída. Chinaski, salva o Brasil. Vai do Chinaski, vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara. Tiro na cara, mata esse imbecil. Cada verso perverso é como uma rajada. Que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada. Achupe seu mito, canalha caída. Bah, à l'instant, c'était Diomedes Chinaski, un groupe de hip-hop brésilien ultra engagé, notamment contre ce connard de Bolsonaro. Le gros bâtard. Ouais, c'est ça, exactement. Qui fait un peu flipper. Et donc, le groupe là faisait partie. Il y a toute une mouvance hip-hop au Brésil qui est bien engagée contre lui. Et eux, ils agitaient un peu le truc. Donc voilà, bien, c'est vrai qu'on n'écoute pas forcément beaucoup de hip-hop de là-haut. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs et puis certains sont bien engagés, donc c'est toujours plaisant. Ah, il y en a quand même beaucoup, je trouve, des groupes de là-haut qui dénoncent quand même. Après, c'est aussi c'est des mecs comme ça qui malheureusement réveillent aussi un peu les scènes. Les consciences aussi. Les scènes alternatives, tu vois. Ah, ouais. Comme où Trump, voilà, il y a tout le discours. Le discours engagé des groupes américains s'est tout de suite radicalisé dès que Trump est arrivé. Bah, c'est un peu la même chose qui est au Brésil, quoi. Ah ouais. Bah, c'est un peu partout pareil. Là, ouais, c'est ça. Du Sud, même, là, c'est pas glorieux. Là. Ouais, puis même dans tous, le monde. Ils sont tous de droite. Avant, il y a quand même beaucoup de pays quand même, qui étaient plus de gauche, tout ça. Et là, maintenant, ils sont quasiment tous de droite. Hein. Ouais, je crois que c'est les 90% qui sont de droite, quoi. Sur le Venezuela, mais bon, ils font n'importe quoi. Donc c'est pas mieux. C'est un peu flippant que les gens réagissent comme ça aux crises et tout. Ah ouais. Enfin, ouais, ça se passe que comme ça. Donc voilà, donc heureusement, il y a des groupes pour nous rappeler qu'il faut faire gaffe à des mecs comme ça. Bah voilà. Bon, bah allez, je reprends la suite. On va s'écouter Dona Maldad. C'est un groupe que je connais depuis une paire d'années. Hein. C'est un groupe du Venezuela, on vient d'en parler à l'instant. C'est du punk rock, mais qui est vraiment, vraiment un art dans les paroles et dans leur démarche. Donc le titre Autogestion, l'album Il Estado Hipocrita Continua Assassinado. C'est un LP sorti en 2004 par plein de labels européens. Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que les labels, les groupes en fait, d'Amérique du Sud ne peuvent pas sortir de vinyle. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de labels européens qui les sortent pour eux. Il n'y a pas de boîte de pressage là-haut, apparemment. Et aux États-Unis, ça coûte trop cher en frais de port. Donc, ils font presser en Europe et ils repartent avec quand ils font une tournée ou une chose comme ça. Quoi. Donc, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte. Pour nous, c'est facile de sortir un disque. C'est des petites différences quand même qui sont notables. Et juste après, si je ne dis pas de conneries, ce sera Los Dolores avec le titre La Cruz y la Espada. Donc, un groupe aussi du Venezuela, de Crustcore. J'ai déjà passé ce titre-là. Désolé, il y a quelques temps. Mais ça date un petit peu, j'ai regardé mon agenda, ça date un petit peu, voilà, donc c'est pas très grave. Donc, groupe de Venezuela, qui s'est formé au Venezuela, mais qui par la suite est habité au Mexique, à Barcelone, en Espagne, comme beaucoup de groupes de là-haut. Oui, parce qu'il y a un océan entre les deux quand même. Ouais, non, mais il y a quand même énormément de groupes de cette scène là-bas qui ont débarqué quand même sur Barcelone quand même. Qui est de quoi? Tout à fait. Donc on s'écoute Dona Maldad, du punk, et après Los Dolores, où ça tape un peu plus. Now scale, I never cross, friends of good. Donc à l'instant on vient de s'écouter les très bons Los Dolores, que ceux, voilà, ceux qui écoutent du Creux ils doivent connaître ça. Seuls les vrais savent. Bon mais c'est un truc qui a quand même beaucoup tourné dans les années fin 2000 quoi. Et juste après Donna Maldad. C'est à vous. C'est à moi même. C'est à toi. Alors, je te vous vois Guillaume en fait, tu le savais pas. On fait ça, c'est comme si c'était une vraie émission de radio, tu vois, où les mecs ils se connaissent, ils prennent de la coke ensemble et puis on, à l'antenne ils se vous voient. Nous, c'est presque ça, quelques détails près. qu'est-ce qu'on va s'écouter ? On va s'écouter Tuna. Et Gerk. Enfin, moi, je dis Gerk, en tout cas. Ouais, mais après, sans vouloir te vexer, Mathieu. Bah, écoute, excuse-moi. Moi, j'ai toujours dit Gerk. Oui, bah... mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est la bonne prononciation. C'est peut-être celle-là. Ah, à mon avis, on n'est pas loin, là. Voilà. du coup, on va s'écouter Tuna. C'est un groupe de Sao Paulo, au Brésil. Ah, Brésil. Sao Paulo de Brésil. Non. Voilà, c'est du punk rock à la cool. Ça fait 10 ans que ça dure aussi. Plein de trucs. Ah oui, ils ont depuis super longtemps. Ils ont longévité. Hein. Ouais, et ils vont sortir, ils ou elles vont sortir un split avec Alarme, groupe de Grenoble. Mm-hmm. Normalement. Cool. Chez Crapoulet Records. Oh, j'en sais rien. Parce qu'ils ont un label. Sans doute. Ils ont un label No Gods, No Master là-haut. Enfin, un label Booking au Brésil qui tourne les groupes en fait, DIY là-bas. De tous les gens de Tuna. D'accord. C'était avec eux qu'ils avaient tourné les Boring, peut-être ? Non ? Je sais pas, mais bon, les groupes de DIY là-haut tournent beaucoup avec le tourneur là, quoi. C'est possible, va savoir. Et donc après, Werk ! Qui vient de Mendoza, en Argentine. Et tu vois, Mendoza, moi j'ai toujours connu ce nom-là de Zorro et tout le bazar, et je savais même pas que c'était une vraie ville. Et ben voilà. Je retourne en enfance. Memento Mori, c'est une émission culturelle. Le dessous des crusts. Tu l'as dit deux fois en 40 minutes. À chaque anecdote, je dirais. C'est très important. Alors là, on est dans le gros crust hardcore. Voilà, tout ce que tu veux. Argentin. C'est cool aussi. Après, voilà. J'ai pas noté beaucoup de choses. Donc grosse discographie de Gerk. Ils ont moins une discographie, un album récemment. Donc, ouais, ils sont solides. Et bon, on va s'écouter des trucs solides. Donc voilà, Tuna et juste après Gerk. Balança do vazio, calma as mágoas, na lembrança do bem, se não voou, que arrasou. mangé à deux. Ouais, c'est ça. On a tout mangé à deux. Voilà, la bagarre des samosas. Tout à fait. Oui, mais samosas, c'est aussi d'Amérique du Sud. Non, pas du tout. Non. Non, c'est plus. D'un, non, enfin, bah c'est oui, asiatique. Oui, c'est bien. Oui, pour moi aussi, mais. Donc, mais bon, est-ce que ça ne se fait pas là-haut? Ah, peut-être. Ah. Disons qu'il y avait. Après, si parce qu'Olivier hier soir était mangé dans un restaurant à tapas. Il n'y avait pas de saveur d'Amérique du Sud dedans non plus. Alors j'étais là, oh, bah, c'est quand même surprenant. Hein, c'est ah, mais tapas, c'est pas l'Amérique du Sud non plus, c'est l'Espagne. Ouais, mais bon, c'est quand même plus proche que l'Asie. C'est un pays totalement colonisé. Ah, quand même, donc tu peux retrouver quand même des similitudes gastronomiques. C'est deux pays qui se situent sur la même planète. Déjà, il y a quand même un lien. Quoi. Oui, les taquins. Il va être fatiguant. C'est vrai qu'il fait bien à manger parce que sinon on l'aurait pas pris. N'importe quoi. Que vient-on d'écouter d'ailleurs? D'ailleurs, je sais pas. Tu sais Djerk. Voilà. Djerk. Et tout là, juste avant. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Voilà, ah tu oui. vois. Ah, tu fais le malin, mais. Je fais le malin, mais j'ai pas du tout suivi. Voilà, bon, en espérant que cette émission vous plaise en tout cas, que des petites nouveautés à vous mettre sous la dent. Ah ouais. Parce que c'est des groupes qui existent toujours, qui ont des. Il y a moins d'écouter ça sur internet. Ouais, il y a peut-être deux groupes qui sont déjà terminés dans ce que j'ai trouvé, moi, mais. C'est tout. Au moins de trouver ça dans les distros les plus proches de chez vous, n'hésitez pas. Voilà. Et on va pas passer que des nouveautés, on va mettre un peu de trucs old school avec Sarcophago. Un petit peu de grindcore. Non. Sarcophago, groupe de. Comment. Ouais, trash, death, black metal des années 80 au Brésil. Et ça sent le groupe de mecs qui ont découvert Venom. Et ils ont dit, oh putain, on va faire pareil, c'est ultra brutal. Donc c'est Venom version. Cheap. Brésilienne. Non, pas cheap, version Pardon. Ultra cool brésilienne. Alors, bon, évidemment, c'est un peu old school, mais moi, je trouve que ça marche à mort. C'est métal jusqu'au bout des cheveux. Et le titre, c'est Sex. Je ne disais personne. Sex, Drinks and Metal. Ça parle, ça parle. Issu de leur EP Rotting, qui est sorti milieu des années 80, je dirais, de tête. Et j'avais jamais trop écouté, mais la pochette m'avait marqué parce que c'était. Et puis ça avait pas mal défrayé la chronique au Brésil où on voit un Christ qui lèche une tête de mort ou l'inverse. Enfin voilà, un truc un peu blasphématoire. Oui, ils sont un petit peu chiants. Voilà, Brésil qui a un pays très, très religieux. Et du coup, voilà, l'aspect provoque ultra métal. Voilà. Ça fonctionne. Et juste après, on écoute Raw Brigade, un groupe de hardcore de Colombie, avec deux morceaux, Nothing et Violence, issus du EP qui s'appelle Nothing Violence. Voilà, deux morceaux, ça dure 1 minute 33, c'est plutôt bourrin. Voilà, donc Sarcophago et juste après, Raw Brigade. Ouais, bref, on parlera de nos courses, ouais, voilà. De nos sports respectifs. Voilà. À d'autres on va laisser tout ça en antenne. Alors, l'Amérique du Sud, c'est pas trop un pays de badminton d'ailleurs, hein. C'est un peu dommage. C'est vrai, ouais, faut peut-être rebondir dessus. Hein. C'est peut-être le moment d'aller conquérir le un monde petit peu là-bas. Ah, ouais. Hein? On va savoir. Ouais, Conquistador. Hein? Ah, globalement. Des colonies. Voilà. Mais non, on ne parlait pas, on ne parlait pas du tout. On ne parlait pas des colonies. Tu mens. À l'instant, on vient d'écouter Raw Brigade, très chouette groupe de hardcore de Colombie. Et juste avant, c'était les excellents Sarcophagos qui font du Venom. Qui était très bien. Ouais, moi j'adore. Donc voilà. Très très bien. Parce que t'adores Venom aussi, du coup. Forcément, oui, mais, ça aide. Mais après, c'était du bon métal à l'ancienne. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis Venom, enfin, c'est cool, quoi. Bah oui, quand même. Tu vois, c'est l'origine de tout ce que t'écoutes. Enfin, peut-être pas toi, non. Je sais pas si 999 ils sont inspirés de Venom, en fait. Avec moi, je suis pas sûr. un peu. Mais avec moi, ça marche, du coup. Voilà, il y a une espèce de. Et encore. Voilà, c'est mathématique. T'as pas le choix, Théo. Bah, c'est comme ça. Chacun est libre. Il n'y a pas de censure. Hein. Non. Oui, il faudrait peut-être qu'on mette ça en place, mais pour le moment. Bon, on a parlé des colonies. Bon, bah allez, vu qu'on était encore dans le Brésil, bon, on va y rester. Hein, avec deux groupes majeurs aussi du hardcore, hardcore trash. Les premiers, c'est Bandanos, qui sont vraiment très, très, très cool. Mais qui était passé en France au Softbox à l'époque. Tout à fait. Donc, le LP de 2007, je pense qu'il venait de sortir, parce que c'est à peu près cohérent, 10 ans qu'on les a vus. Ça doit être à peu près ça. C'était absolument excellent, pour ceux qui y étaient en tout cas. We Crush Your Mind with Trash Inside. Donc c'est un vieux LP, hein, mais bon, j'ai mis ça parce que vraiment le morceau était vraiment très très bien. Ils ont sorti plein de trucs derrière, notamment un split aussi avec Violator, groupe de trash aussi brésilien qui est vraiment excellent, qui avait joué Hippie Pest il y a quelques années. Et au Softbox. Et au Softbox aussi, tout à fait. Ouais, avant. Et qui avait fait complet, du coup je me souviens de m'être perdu dans Nancy, c'était au tout début où j'allais au Softbox, du coup je savais pas trop où c'était. J'étais avec une copine, on s'est perdu, on est arrivé, de toute façon c'était blindé, on avait des gens au téléphone, ils disaient ouais on peut pas rentrer, c'est pas la peine de venir, tout. Est-ce que tu es rentré? Bah non. Mais moi j'ai le souvenir d'avoir vu, hein. Si j'ai vu moi, j'étais tout devant. T'as bien de la chance. J'étais avec Fabien, je me souviens. J'ai dit, ouais, c'est Slayer ça! Trop bien! Thomas Raya, t'es où? Il est pas là. Voilà, donc Bandanos avec le titre Indifferencia. Donc voilà, c'est vraiment un vieux titre, hein, mais allez écouter les autres qui sont sortis depuis. Le groupe d'après, c'est I Shot Cyrus, qui est un groupe de hardcore assez rapide. Ouais, c'est un peu plus rapide. c'est un peu Dreadlock, c'est la weed, mais c'est un peu plus rapide, je suis désolé, Mitch. Peut-être qu'il faut des reprises. Non, bah j'espère. Non, ne le fais pas en plus rapide. Allez, fais-le en plus rapide. Allez, fais-le. On verra ça après le morceau. Ah. Ouais. Je me chauffe un peu. Et puis, ouais, voilà, je sais que t'as besoin de chauffer un peu ta gorge avant de chanter. Quand on vient à l'antenne, ça va être excellent. Voilà, donc Quelque Chose de Cyrus, groupe brésilien qui a joué entre 97 et 2009. Donc là, c'est la complète discographie. Le titre, c'est The Defeat Won't Be Mine. Donc, chanté en anglais. C'est terminé. Et voilà. Oh bah c'était rapide, ah bah et efficace. Hein. Oui, ouais. Ça joue un peu moins, ouais, une minute trente par groupe et à peine. Pas, ouais, bah, il aurait fallu mettre plutôt deux morceaux, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, c'est bien. C'est ça, bien, c'est solide, c'est efficace. Ouais, voilà. Voilà, donc, I Shot Cyrus, en hommage à l'excellent film de Walter Hill, The Warriors. Oh, toutes les infos là. Exactement. Rien d'autre à dire. Memento Mori est une émission culturelle. Et voilà. Juste avant, Bandanos, pareil, excellent groupe de trash. Ouais, c'est au top. Au Subbox, ça devait effectivement. Ça devait être. Bourré, c'était quoi. Très très bien. Ouais. Moi je me souviens, là, on était plein à rajouter des vinyles, on l'avait mis sur la planche arrière de la 405 break. Et le lendemain, il y avait fait beau. Ouais, et il y avait des vinyles dépliés. Et vu qu'on était genre 3-4 à avoir acheté le vinyle, il a dit putain, c'est à qui ? Et je crois que c'est moi qui me suis retrouvé avec le vinyle plié. Ah, c'est en personne, hein, bizarrement. Évidemment, vous n'êtes la victime. Quoi. Mais Olivier l'a acheté aussi, du coup, maintenant. On en a deux à la maison, et un tordu et un correct. Collector. Du coup, tout va bien. Est-ce que c'est là-dessus que tient votre couple ou pas ? Oui, c'est un souvenir. Bah, je pense que c'est un. C'est 90%. C'est une base. C'est une base. C'est parti de leur histoire. Tout à fait. L'enfant, non. C'est vraiment sur le vinyle de Vandanos. Rien à voir. Faut pas tout mélanger. Allez, il est 21h. Il est 21h pile, c'est l'heure de l'agenda concert. L'agenda concert. Putain, cet accent espagnol était terriblement nul. Mais bon, après tout, on vous habitue à pire, donc vous n'êtes pas si déçu que ça. On commence tout de suite avec nous. Excellent. Tu brasses large. Bah écoute, moi je dis ce qu'on on me donne. On suit, ouais, voilà. Du coup, on commence avec un petit concert à Dijon avec Parmaloka, évidemment, aux Tanneries, avec Doom Sisters, c'est nous. Cross, Grind, Sludge, tout ce que tu veux en même temps, tout mélangé et vaguement maîtrisé. Pylori et Asexual, voilà, tout ça, et puis un DJ set Un jeudi soir, un DJ set. Ouais, mais c'est les collègues. Apparemment, la dernière fois, ils ont fait ça à un concert et c'était relativement inaudible et ça fait chier tout le monde. Donc, on verra bien ce que c'est. Ah, bah, vivement, c'est moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est Alexandre et compagnie. Moi, je les aime bien, mais bon, on verra ce qu'ils proposent. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est jeudi 31 janvier au Tannerie à Dijon. Le 2 février, il y a Agressive. C'est du quoi ? De la oi. Je pose la question. Autant pour moi. Avec Joe Jeremia, qui est moins oi pour le coup. Hein. Ça, enfin, vous pourrez peut-être dire ça au bassiste. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et tout ça, ça se passe au bar Le Commerce à Mirecourt. Et le même soir que ça, il y a du gros dodos à la Souris Verte. Ah non, même pas, c'est même pas le même soir. Le 1er février, le vendredi soir, mm-hmm. il y a Decapitated. Yeah! Ooh, of course! Decapitated. plus Heart Attack et Acode qui passent à la Souris Verte à Épinal. Soirée dodos. Ouais, à mort. Tu n'as pas un petit local, là, ils te mettent trois groupes en tournée. Bon, peut-être que c'était non, le plateau. Non, les autres, ils sont pas. Oui, c'est d'être un plateau, je pense. Hein, mais y a pas oui, de... parce que, oui, un local de oui, Marseille, bon, ça fait un peu. Non, c'est ça, oui, non, j'ai regardé, j'ai vu les infos de ça. Tu sais que c'est beau quand même, parce que le soir-là, nous, on joue à Marseille. C'est magnifique. Ouh. Oh, on s'en fout. Alors, du connard. Coup. Bah, j'avais pas été jusque-là, mais bon, après, si tu veux rajouter ça. Oui, mais t'es le genre à insulter comme ça, donc je le fais. Voilà. Voilà. Gros week-end dans les Vosges quand même. Hein. Le lendemain, le 3 décembre, le 3 février. Ouf, fatigué. Le dimanche 3 février, chez Narcisse, il y a les Salles Majesté, camarades. Charge 69 et Guérilla Poubelle qui passent. Voilà. Bonne soirée punk rock, hein, s'il en est. Globalement, si tu. Si t'en as eu marre du death metal le vendredi soir, tu peux trouver quelqu'un un petit peu. Le plateau peut être à redire, mais il est tout à fait solide. Oui, non, mais t'aimes ou t'aimes pas, mais il est là. Voilà. Mais bon. Du coup, au Black Baron, le 9 février, cette affiche est un peu compliquée à lire quand même. Hein, si je pouvais avoir le numéro du mec qui... je vais pas dire le graphiste, parce que je pense que ça s'appelle pas comme ça. Donc voilà, au Black Baron à Nancy, il y a le Relay du punk rock un peu mélo, un peu street punk de Nancy. 20 minutes de KO. Ah, c'est 20 minutes. Est à Lyon. Voilà. Devant, là, je le sais. Oui, et puis on va faire la même là que d'habitude. Est-ce que 20 minutes de KO jouera que 20 minutes ? Non, et ça sera trop long, voilà, etc. etc. Donc c'est au Black Baron. Non, c'est pour Rifter ça ? C'est au Black Baron ? Ça joue plus au Rifter. Ah ouais, ok. Donc ils sont décalés, parce qu'à la base c'est le Rifter. Ouais, non, c'est le Rifter a fermé. Ah, ok, complètement. Oh, encore une salle à Nancy qui ferme. Flûte, alors voilà, donc ouais, une salle à Nancy. Bon, visiblement, elle était plus ou moins bien, mais elle avait le mérite d'exister. Oui, puis toutes les salles à Nancy qui... Et voilà, ouais, toutes les fermes à Nancy durent 2 ans et elles ferment. Voilà, c'est à peu près ça. À Héricourt, au Catherine Café, il y a UK Subs qui passe le 10 février. Classe à mort. Super date. C'est gros ça comme ça le... Ah, je pense que tu peux mettre 200 si tu tasses un peu, ouais. Oh, ce qui est pas gros, quoi. Bon, c'est... Non, mais bon, pour des groupes comme ça, c'est ouais. très bien. Quoi. Ouais, mais puis, et l'endroit est très très cool. Ah, ça, c'est ce genre de plan où j'irais bien. On peut regarder. Hein. On peut y aller ensemble, Guillaume. Hein. Bon, c'est un dimanche soir, j'ai 30 ans, maintenant c'est fini. Oh. Ensuite, le samedi 16 et 17. Non, samedi 16 février, il y a le Solidaire Fest à Shalini Town. Somebody's gonna... Oh, my friend. Voilà, Bobby Six Killer, East Town, Shalini Town. Donc voilà, le Solidaire Fest le samedi 16 février avec la Casa Bancal, Mason's Arms, The Butt Shakers et Original Skinhead Society, Sound System, Oi, je suppose. Hein. Rocksteady, je suis sûr, plutôt. Voilà, et ça se passe aussi le vendredi 15, il y a Movabunda, The Lock Skippers, Ecosonic et Nancy Dance Crusher Sound System. Voilà. C'est un week-end, ils font ça tous les ans, en soutien à toi pour les migrants dans les coins de Nancy, un village. Oui. Nancy, ils font ça tous les ans, c'est tous les ans soutien à ça. Voilà. Oui, c'est tout, c'est l'info. Tout à fait. La putain Memento de. Memento Mori, émission culturelle. Le dessous des crosses. la putain de meilleure date de l'année, sûrement, il y a Mondragon qui passe à Nancy. Du coup, la prochaine émission, on passera sûrement un morceau quand même pour le principe. Ah bon voilà, qui passe donc à la MJC des Trois Maisons le samedi 23 février. Donc Mondragon, bah voilà, le meilleur groupe du monde, hein, qui a fait le meilleur album du monde. Donc partons de là, ça serait dommage quand même. On les a jamais vus en concert, alors faut qu'on juge par un nom. Les échos que j'ai eus des concerts récents sont très très bons. D'accord, c'est important parce que être bon sur album, c'est une chose. Ouais, ça suffit pas. L'être. Voilà. Si ça se trouve, je serais très déçu et ça va annihiler toute mon existence. Ah, ce serait excellent. Ce serait assez amusant. Ce serait plutôt bien. Je serais très déçu. J'espère être là. T'inquiète, ça le fait déjà une fois sur deux et converge. Ensuite, donc avec ça, il y a Géranium et Potence de Nancy. Et ça se passe quand? C'est où ça? C'est le 23 février à la Musée des Trois Maisons à Nancy. voilà. On arrive au 9 mars avec le concert de soutien au KKO. Boum, boum, boum! Avec Diego Palavas, qu'on ne vous présente plus. Zone Infinie, qu'on ne vous présente plus non plus. S'ils viennent? Oui, bah, ils viendront. Il y a un contrat. Il suffit de les engager. Stigmate, qu'on ne vous présente plus non plus, parce que j'en ai passé 10 fois. Et Infréquençable, que je ne pense pas qu'on vous présente encore sur Radio Game Ozo, ouais, parce que ça doit passer assez régulièrement. Ouais. Voilà, tout ça, ça se passe à la médiathèque du Tio le samedi 9 mars. Et ce qui sera tout pour cet agenda concert aujourd'hui. Un petit retour dans le passé, puisque de mémoire, c'est également le 31 janvier. Jeudi donc, en même temps que vous, à Besançon, du coup, complètement de mémoire. Oui, c'est exactement le même soir. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. On a parlé, c'est le même soir. Hein. Zut. Mince. Voilà, bref, pour ceux sont dans le coin de. C'était beau ça. Elle est excellente. Ceux qui Bonne sont dans réponse le de Mathieu, coin de Saint-Étienne Mirmont. Ils peuvent aller voir Into Sickness, groupe excellent de grindcore mexicain. Ce qui nous arrange bien, vu que c'est pile dans la thématique de notre émission. Ça colle. Voilà, donc c'est une soirée Holy Grind de notre ami Pibe Panzercha. Voilà, donc soutien total. Allez, n'allez pas voir Doom Sisters, allez voir Into Sickness, qu'on va écouter tout de suite maintenant. Donc, avec le morceau Entropy Behavior, issu de l'album ou EP, je ne sais pas trop, Reason to Grind 2. Voilà. Voilà, c'était Into Sickness du gros grindcore mexicain. Si vous avez bien aimé, allez à Besançon jeudi le 31 pour aller voir ce groupe en live. Mm-hmm. Ouais, avec, puis ils doivent sortir un split avec Warfuck bientôt. Donc, il n'a pas que ça en plus. Non, juste pour l'information, pour info, le split avec Warfuck qui va sortir bientôt dans les bacs. Je ne sais pas sous quel format, mais il va être là. Voilà. Warfuck qu'on aime bien aussi. D'ailleurs, Nico, si tu nous écoutes, ça serait bien de répondre au mail de Mounet parce que je le sens un peu tendu. La communication est faite, c'est juste qu'il y a des problèmes en autres. C'est pas grave. Voilà, le message est passé. N'hésite pas à appeler Radio Game Ozo. Au 0. Ah merci, il n'y a pas le numéro. Il va peut-être falloir revoir ça d'ailleurs. Mais regarde sur internet, ça y est. Du coup, après ces petites bêtises-là, on va s'écouter Halo, qui est un groupe d'emo punk. C'est comme ça quand tu dis ça. comment que pour? Voilà, j'aurais dû regarder Arnaud parce que lui au moins il joue un peu la surprise. C'est un groupe de Montevideo en Uruguay. Et voilà, ça a joué de 2003 à 2007 et ouais, c'est de l'emo punk. Et c'est sorti chez quel label ça? Bah, Crapouleric. Ah, quelle surprise! Bah, après, quand tu vois la coiffure du mec de Crapulet Records, ah, ça peut être un peu surprenant qu'il y ait un groupe démo qui sorte. Il aurait sorti que des trucs de Skin Oil, ça m'aurait pas trop surpris. Mais bon, qui suis-je pour juger des coiffures? Juste après ça, on va s'écouter Ulcera, du punk hardcore argentin. Voilà. C'est du crust as fuck. Moi, j'ai noté crust as fuck en majuscule sur ma feuille. C'est sûrement que ça doit être du crust as fuck. Il y a une très très bonne scène en Argentine, en fait. Un peu crust hardcore. Crust as fuck. Ouais, alors ce feu qu'à mort. Voilà. Voilà, bah du coup, on va s'écouter de l'émo d'abord alors. Voilà. Dans les années 80. Donc. Oui, mais les morceaux sont beaucoup trop courts pour qu'on puisse discuter en même temps. Et tout à fait. Ceci dit, 30 secondes d'émo punk, c'est la bonne dose d'émo punk. Oui, mais c'est quand même très surprenant. Hein. Oui, c'est vrai. Que ça est... Non, mais après, en fait, il y avait des DJ à merder là. Non, il y avait des morceaux plus longs. Mais ça chier. Ou alors j'avais plus le temps dans ma playlist. Non, celui-là, il parlait d'avortement. Et je me suis dit que ça m'a bien de le dire parce que là. Parce qu'on ne le savait pas. Bah non. Bah oui, bah t'es pas uruguayen, tu parles pas la langue. Hein. Non, mais c'est... À un moment, hein, si peut-être, tu ne sais pas. Sors de quoi tu parles. Hein. Donc voilà, c'était Ulcera juste à l'instant et juste avant Allo, l'emo punk de 30 secondes. Qui parle d'avortement, du coup. C'est ça. Et bah voilà, c'est bien. Oui, très bien, très bien. Eh bah vas-y. Ah oui, c'est moi, pardon. Oui, c'est toi. Bah alors. Pardon, oui, non, mais je tu fais bien la surprise. Hein. Ouais. Vous êtes un peu dissipé, je crois. On va commencer par. T'as passé. C'était quoi juste avant? C'est Argentine, du coup? Le groupe d'avant? Oui, géographiquement, il y a du sens. Voilà, dans... donc là, j'ai de l'Argentine aussi. Buenos Aires, Migra Violenta, qui est un groupe que j'ai découvert il y a peut-être 15 ans. Peut-être pas 15 ans, je rajoute une bonne dizaine d'années, avec un petit EP que j'ai toujours à la maison, que j'aime bien. Holocaust Capitalista, ça c'est le LP juste après. Le titre Guerra sobre Guerra, donc ça c'est du hardcore punk ultra fast. Voilà, ça fait partie des premiers trucs que j'ai découvert de cette scène là-haut, et ça m'a beaucoup plu. Et juste après, on va s'écouter Apaciano, qui est aussi une grande référence de l'anarcho-punk du Venezuela. Ultra engagé aussi, hein, c'est vraiment de l'anarcho-punk à 100%. Le titre Contra di Capitalismo de l'album El Ruido de Antes contra los Opresores de Siempre. Je sais pas si j'y étais, mais. Bravo, non, mais le courage d'avoir. Ça manquait un peu de conviction. Ça manquait de conviction, mais je lis, tu sais, donc la conviction, elle est pas là. Hein, elle est dans la concentration, uniquement. Mais d'ailleurs, si ça avait, comment dire, c'était pas, ils avaient pas fait un split avec un autre groupe qui était sorti chez Steph Deviance C'est sorti de Libertario, je pense qu'ils étaient dessus. On aurait pu reprendre la compile là, hein. C'est oui, parce que la compagnie des libertariens. Non, mais il y avait du Venezuela. Un split, je sais plus quoi, il y a Apaciano, et il me semble que c'est moi qui avais imprimé le livret. All System Fail, c'est ça. Groupe américain. Et je me souviens qu'il y avait. C'est leur dernier truc, ça. Il y avait un pli portefeuille, et ça, c'était l'enfer à faire en imprimerie. Voilà. Ouais. Donc, bon souvenir. Le titre là est sorti aussi sur la compile Deviance, la nouvelle compile. Donc c'est un vieux titre, hein, mais voilà, c'est ce qu'ils ont donné. Voilà, ils ont sorti des tas de splits. Enfin voilà, ça fait, je sais pas, ils ont dû faire une dizaine, quinzaine de EP, de LP. Enfin voilà quoi. Donc Apaciano, et juste avant, Migra Violenta. Et c'est Mounet qui a la fève. Voilà, on vient de manger une petite galette. Je suis honoré d'être le roi de Memento Mori, au moins pour ce soir. Royaliste, va. Oui. Bon, je sais pas, non. Je suis pas belle guise. Hein. On lui coupe la tête. Désolé. Donc, en parlant de royaliste, on vient de s'écouter Appassiono, qui est sûrement totalement opposé à tout ça. Et juste avant, Migra Violenta, qui est sûrement aussi du même acabit. Voilà, donc c'était du punk rapide, comme on aime bien. Et toujours d'Amérique du Sud. Mmh. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une petite seconde pour se dire, concrètement, on va envoyer l'émission au groupe en question, qui vont se mettre à écouter l'émission, peut-être, petit peu. Ils vont rien, qui vont rien comprendre. Voilà, voilà, et tu dis, mais... Scusa. Qu'est-ce la galette des rois? Ce sera peut-être le moment de traduire. Nous sommes très tradition. On va réenregistrer une version en portugais et en espagnol. Qu'est-ce, belguise? Local fasciste. Voilà, c'est le moment d'enchaîner, je crois. Oui, bah voilà. De toute façon, bon, on s'en fout, il n'écoute pas l'émission. On peut dire ce qu'on veut. On va payer ses impôts. On va enchaîner avec un petit groupe mexicain. Un groupe de quel genre Crush as fuck. Non, grindcore. Perdu. Ah, pardon. Ah, t'étais pas. Oh. On va s'écouter un peu de grindcore. Voilà, exactement. On va s'écouter un peu de grindcore. Grindcore old school mexicain avec Anarchus, peut-être le groupe de grindcore mexicain. Le morceau c'était Nothing Comes Later et ça vient d'un EP 5000 Years of Hate. Voilà, et juste après on va rester dans le grindcore, mais on va retourner au Brésil. Enfin, on y était. Bon, oui, non, Mexique, Brésil, hop. Ah pardon, c'est mexicain. Ouais, alors que c'est mexicain. Oui, oui. Ah, oui. Et donc Brésil, de toute façon le Brésil est largement surreprésenté dans cette émission, je trouve. En tout cas, dans ma playlist, j'admets. Avec les excellents Facada, que j'avais découvert à leur début et qui jouaient déjà du grind death assez agressif, un peu old school, vraiment excellent. Et puis, en écoutant d'autres trucs, moi, j'ai un peu arrêté de les suivre et j'ai découvert qu'eux, ils n'avaient pas arrêté. Ils ont sorti un album en 2018 qui est vraiment excellent et où ils ont continué dans leur lignée. Donc le morceau c'est Estao Esperando Sen Hero et l'album c'est Quebrante, sorti en 2018, donc juste l'année dernière. Voilà, donc Facada et juste avant Anarchus. Thank you. Voilà, c'était Napalmness. Ah, je t'ai piqué ta blague, pardon. Tu m'as piqué. Fakada, qui joue du grindcore old school, Napalm Dessien. Voilà. Oui. Et juste avant, c'était Anarchus qui joue du grindcore mal enregistré. Archag. Oui, oui, Agathocles. Archagatus. Ils ont tous donc, un air dans tout ça. Donc voilà, et c'était voilà. bien. Moi, voilà, je voulais juste bien. Faire une petite aparté sur un très bon label brésilien qui sort justement Fakada et d'autres trucs cool. Creuse, enfin, ou même des rééditions, tout ça. Criminal Attack Records à Sao Paulo, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc allez checker, sort des trucs sympas. Après, bon, en tant qu'Européen, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant parce qu'ils sortent des trucs d'Europe pour distribuer après au Brésil. Mais dans tous les cas, c'est un bon label et voilà quoi. Je voulais juste en parler. Tout vite. Bien. Ouais, non, bah, pourquoi pas pertinent. Pourquoi pas mais moi, j'ai envie, donc, c'est tout à fait adapté. Je suis là pour ça. Voilà. Voilà, on va continuer dans l'avalanche de groupes de labels de mecs cool. Et c'est bien parce que moi, je le dis un peu à tort à travers ce mot. Et là, je l'ai mis partout dans toutes les descriptions de groupes. Et je me dis que finalement, ça se justifie parce que le label le dit tout le temps. Donc, que bon, ça passe. Ce coup-ci, ça passe. Mieux. Du coup, on va s'écouter Futuro, qui est un groupe de Sao Paulo, des Brésil. C'est du punk avec un petit côté post-punk, voilà, c'est cool. Tu danses en disant ça, c'est rigolo. Oui, je suis un petit peu en train de danser du post-punk comme ça, ça me fait plaisir. Et ça fait grincer ma chaise et tout, c'est sympa. Et c'est cool parce qu'en fait, il y a le guitariste de Strongasten dedans. Enfin, en tout cas, si tu regardes les photos, clairement, il y a... Ah, ça vient de ça. Ah, il y a Jojo qui est voilà. Et Jojo avec les cheveux longs ou les cheveux courts? Les cheveux courts. Ah ouais, voilà. C'est plus le même homme aussi depuis. Non, c'est pas mal, hein. Il a les mêmes pattes, il a quasiment la même guitare en plus. Mmh. Ça s'y méprendre. C'est peut-être des photomontages, je ne sais pas. La tu dis solo inutile. Très bien, très important. C'est très important. Et juste après, on va s'écouter The Renegades of Punk. Voilà. C'est du punk rock, une petite touche hardcore 80. C'est très cool. Et je peux dire cool plein de fois. Voilà. Et ça vient de Aracaju, du Brésil. Yeah! Et c'est fini, on est à l'antenne. C'était à l'instant The Renegades of Punk. Et juste avant Futuro. Voilà. Bon, bon petit peu très bien. Très ouais, bien. Un petit bon peu, punk. Voilà. Punk car. Ouais, qui tire un peu sur l'hardcore 80 quand même. Ouais, non, carrément. Ouais, ça me fait plaisir. Non, sans grosse disto. Ça. Donc, voix, voix féminine, un petit peu saturée ouais. Et tout. Non, mais il y en a quand même pas mal, hein, des groupes féminins. J'ai. Bah, non, en tout cas, ah alors, ouais. Je sais pas après. Oui, non, mais sur Crapoulet, en tout cas, c'est représenté. Voilà, quand c'est même, peut-être pas représentatif de ce qui se passe dans la scène. Enfin, dans toute la scène sud-américaine, en tout cas. Mais oui, dans ce label-là, c'est. Du machisme, je trouve une... comme dans oui. Toutes les scènes de merde qu'il peut y avoir dans la punk compris. C'est ça. Hein. Mais du coup, là, voilà, la proportion était. Je trouvais ça vachement élevé, c'était cool. Mm-hmm. Bon, bah, en parlant de ça, du coup, pareil, on va s'écouter un groupe avec une fille au chant, donc Ruinas. Donc du split. Ruinas Lust for Death. Lust for Death, exactement. Ça faisait 21h32. On a tenu 1h32 sans parler de Lust for Death. Bah, c'est très bien. Ouais, c'est record bien. Battu. Mesdames et messieurs, je veux un élan de cotillon, de champagne, d'applaudissements, tout ce que vous voulez, le Guinness Record. Il en fait beaucoup trop. C'est pas bravo quand même. Voilà. Là, mais il y avait l'émotion, il y avait l'envie, et c'est très important. Voilà. On vient de perdre tous les Sud-Américains. Merci. Et tous les Français aussi, je crois. Donc Ruinas, groupe argentin qui est en tournée, je sais pas, le mois dernier, il y a 2 mois, je sais plus. À peu près, voilà, fin d'année 2018. Il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Donc, ils ont sorti un split avec les potos de Lust for Death, qui ont malheureusement splitté il y a peu. Donc, le split est très très bon. Il est très metal, très très très crust metal, voire metal crust. Hein. Oui, Joël, voilà. Il faut mettre metal en premier maintenant, c'est fini. Hein. Même Ruinas, hein, pour le coup, c'est quand même. C'est vraiment, stench. Vraiment. Ouais. Et encore, enfin, hein, bon, bref. On peut rentrer dans des trucs. Voilà. Donc le titre c'est Disconforme, donc vous allez écouter ça, hein, 3 minutes 40 de crust metal bien épais. Et juste après on va s'écouter Ratos de Porrao. Ah, le classique. Il n'y a pas vraiment besoin de les présenter, hein, non, c'est ben voilà. Grande classe du hardcore brésilien, donc, qui existe depuis 1981. Ouais, ouais. Donc non, mais quand on disait que le hardcore punk est arrivé très tôt là-haut, c'est la... voilà quoi. 80, c'est le début, voilà, chez nous c'était Varoubjo quoi. Je suis pas sûr que ce soit glorieux quoi. Non mais c'est pas drôle hein. C'est pas drôle, Lucrat Milk, Varoubjo et nous eux ils avaient Ratos de Porrao quoi. Sans déconner. Ouais, non mais et on s'en sort pas si mal hein, à l'heure actuelle hein. Voilà, donc j'ai voulu mettre un truc récent, sorti sur l'album Seculo Sinistro en 2014, et le titre Viciado Digital. Il y avait un beau petit clip machin avec des tags, des trucs, voilà. Bref, pour l'histoire quoi. Yeah. J'ai même moins suivi. Bon, bah. Et ben voilà, c'était à l'instant. Ratos de Porão. Ah bah oui. Voilà, 30 ans après, toujours aussi bon. Il n'y a rien à dire. Toujours du voilà, hardcore ultra rapide. Voire un peu trash hein, quand même. Ouais, ouais. Hein, on aurait dû faire une spéciale Ratos de Porão. On aurait pu passer largement. Non, je suis pas là. Grosse discographie, ouais, carrément. Mais si vous connaissez pas, allez-y, ouais, les yeux fermés, quoi. C'est un peu brutal quand même, hein. Faut aimer quand même le hardcore brutal. Hein. Un peu. C'est quand même un peu brutal. Mais c'est très bien. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas problématique, quoi. Oui, mais je pense. Ah, on en a si les auditeurs, ils en sont là de l'émission, c'est que ça les gêne pas, la brutalité. Du coup, on va continuer avec l'Amérique du Sud, Crapulé Records à fond, avec Golpe di Testa. Rien à voir avec Golpe di Estado. Mais... Et avec Golbe non plus. Alors, déjà, je n'ai même pas honte. Je trouvais que ma blague était parfaite. Ma blague avec Golpe di Estado, je me suis dit, bon, c'est déjà vraiment limite. C'est... Mais pas humour local. Et Golbe, quoi. Wow. Ouais, tu vois, là, ouais. J'imagine le mec qui habite à Sao Paulo, qui écoute un peu par hasard. C'est le Chablot, hein, donc faut pas non plus tout mélanger. Non, quoi. Mais faut pas non plus rêver. Enfin, on sait pas, mais ils regardons sur une carte, c'est tout. Les patelins que t'as sortis, on sait pas où c'est non plus. Oui, donc, voilà. T'inquiète pas, les derniers mecs d'Amérique du Sud qui sont venus, qui ont regardé sur une carte. Des crustes, c'est tout. Voilà, donc Golpe di Testa, c'est un groupe de Montevideo en Uruguay. C'est plutôt pop. Oh. Enfin, Mais est-ce que ça dure plus de 30 secondes? Bon, voilà. C'est un morceau qui dit que l'abus de substances génère entre autres de la paranoïa. Ouais. Je sais pas, je suis assez sérieux quand même. Hein. C'est ça. La drogue, c'est mal. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a des APA qui produisent de la drogue aussi qui fait un peu mal dans ce oui, ça peut peut-être jouer. Voilà, ça doit pas aider. Je pense que. Voilà. Pardon. Et juste après, Ornithorhynchos, ce qui est un peu une déception quand même. Parce que sur leur pochette, t'as un ornithorynque avec une casquette de trasher. Je me suis dit, putain, c'est plutôt pas mal. Ça, si c'est pas du trash crossover, ça fait chier. Bah, ça fait un peu chier, c'est pas du trash crossover. Je suis fin deck. J'attendais que ça. Et puis, bah non. Donc, bon, c'est du punk hardcore 80 quand même. Hein, mais voilà. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, ils ont été signés juste pour le nom du groupe. Ils ont même pas. Il a pas dû. Animal Mignon. C'est ça. Il a même pas dû écouter. Il a dit ah, ça doit être bien. On va savoir. Mais musicalement, c'est quand même cool. Voilà, on s'écoute Golpe di Testa et juste après Ornithorhynchos. Que la tan es pecho. plus là-bas. Et voilà, c'est reparti pour une émission sponsorisée. Spécial dédicace à Pibe. C'est ça. Oui, bon, non, je crois qu'on s'en fout. Sans vouloir te vexer. Non, non, mais totalement d'accord. Du coup, c'était Ornithorhynchos à l'instant et juste avant Golpe di Testa. Voilà. Très bien. C'était très très cool. Ouais, hein. Voilà, même si c'était pas du trash crossover, ça passait super bien. Mais t'inquiète. Mais parce que nous, on n'a pas vu la pochette, du coup, on n'était pas déçus. T'inquiète, voilà. Ça va venir. Non, ça va pas venir, on va mettre un peu ça de va venir après. Power Violence. Du Chili. Power Violence. Avec Crujido ou Crujido, selon d'où on vient, comment on prononce. Petit groupe de Power Violence du Chili, on va écouter deux petits morceaux, il y en a même pour moins de 2 minutes, avec Asco et la Porcaria, et c'est issu d'un EP qui n'a pas de titre, ou alors ça s'appelle Crujido aussi. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur Bandcamp et c'est plutôt très très cool. Et après, on va se remettre un petit coup de DER parce que c'est vraiment trop trop bien comme groupe. Toujours leur EP qui s'appelle Rancor, qui est sorti en 2017 de mémoire, avec deux autres morceaux pour à peine plus de 2 minutes de grindcore brésilien ultra cool. Donc en fait, on a écouté le EP complet quoi. Quasiment. Et voilà, à l'instant, les excellentissimes DER. Que, bon, allez, c'est le meilleur groupe de grindcore du Brésil. Je le dis. Oh, je sais pas, j'ai pas assez de connaissances pour te dire non, c'est pas du tout non, ça. Mais, bah, en tout cas, je les adore. Non, c'est Sepultura. Ah, et... et leur dernier EP est vraiment ultra cool. Et les disques d'avant sont ultra cool aussi. Voilà. Si vous aimez le grindcore, de toute façon, vous aimez. Voilà. Ok. Ouais, oui. C'est très très bien. Ouais, ouais, bah, ouais voilà. C'est ça que je connais un peu, mais pas plus que ça. Enfin, tu vois, j'ai pas de disque perso. En ouais, tout cas, non, à la maison. Ouais, c'est mes petits chouchous. Voilà. Donc, ouais, ça a déjà sorti local. Pas mal de EP. Enfin, c'est des trucs qu'on a trouvés en tout cas. Ouais, qu'ils ont voyaient, qu'on dit toi. Puis, ouais. Voilà, à toi. Solide. Je passe. Et bah, du coup, on va globalement boucler. Hein, ouais, si ouais, ouais. Très bien, très bien. Avec 7ème Réonce, qui est un groupe de Montevideo en Uruguay. C'est globalement, ouais, c'est... T'as mis pas mal de groupes d'Uruguay, toi, j'ai l'impression. Bah, c'est Crapulet Records qui en a signé pas mal. Oui, non, mais je sais bien, ah, c'est pour cool, toi, je sais bien que c'est pour toi qui est responsable, hein, mais... Je m'attendais à un truc brésilio-centré, mais en fait, on a... Ah non, a du bien... tout. Ah, oui, non, c'est très bien, c'est très bien. Bien. On a bouffé à tous les râteliers, c'est très bien. Ouais, alors que j'ai pas fait de quota ni rien, je sais pas... Ouais. Je ne suis pas les Nations Unies. Du coup, 7ème Réonce, c'est du fastcore. Alors, autant j'étais déçu avec Ornithorhynchos en me disant putain, la pochette et tout, ça devrait être du trashcore crossover et tout ce que tu veux. Et en fait, non. Alors là, il n'y a aucun problème. Il y a une casquette trashcore sur la pochette. Il y a un crâne. Tu ouvres, c'est du trashcore. Voilà. Ça respecte un peu les cohérences. Il y a une ligne directrice et ça la suit. Quoi. C'est ça, la ligne éditoriale du parti. Merde. voilà, donc du coup, j'ai, de toute façon, dans mes notes, j'écris fastcore, casquette, pochette, efficace. Et je pense que. Et en fait, il y a quelques mots, t'arrives à faire 10 minutes. C'est toute une histoire, c'est ça. Beau ça. C'est les mots-clés, c'est important. Je t'apprendrai. et juste après ça, on va s'écouter Tramontina, un groupe argentin. Voilà. Punk hardcore, ça je pense que c'est aussi un de tes nouveaux groupes préférés. Ouais. C'est une espèce de punk hardcore avec un bon petit delay sur la voix. Voilà, parce que pour le coup, on n'a pas beaucoup écouté de. L'influence japonaise est très peu présente de ce côté-là. C'est à regretter. Il va peut-être falloir qu'ils travaillent dessus. Bah, écoute, que tu passes un groupe japonais à chaque fois, mais non. Ouais, bon, ça va être compliqué. Ça viendra, on fait une thématique spéciale reverb et delay. Ouais, deux heures atroces. Que ce soit un peu challenging, sinon. Tu sais, moi je vais arriver avec mes trucs de post-rock et tout ça, puis ça va être des trucs dégueulasses à côté. Genre, ah, pardon, j'avais pas compris. Hors thématique. voilà, tout ça pour dire qu'on s'écoute 7ème Réonce et Tramontina juste après. vois, là, oui, bon, après, on peut parler par-dessus le dernier Arsène, oui, je pense. Bah. De toute façon, on n'a plus trop le temps. Voilà, c'était notre émission spéciale Amérique du Sud. On espère que ça vous a plu, vous avez pu découvrir des choses, que vous avez adoré parler de la belle de mec cool, que vous avez envie de prendre des petits animaux mignons dans vos bras. Et que vous avez adoré notre accent espagnol et portugais. Et surtout, arrêtez d'écouter que des groupes... voilà, classique américain, anglophone et compagnie. Et ouais. Découvrez d'autres scènes, parce que la scène punk est super grande. Et du coup, voilà, faut aller partout. Quoi. C'est ça. N'hésitez pas. Voilà. Prochaine émission, le 21 février. C'est ça. Pas de thème, mais toujours des accents pourris. Toujours pense, du bonheur. Voilà. Et puis du coup, ça y est, c'est fini. Allez, des bisous, salut, à bientôt. Super générique. Eles são roqueiros paulistas, estão fazendo sucesso na Alemanha, Inglaterra e Itália. Ratos de Porão! Caramba! Ancora-te!